lansement du premier satellite d'observation du changement climatique. La NASA a lancé de la base aérienne Vandenberg, en Californie, le premier satellite d'observation du changement climatique et de mesure des principales variables météorologiques. La fusée Delta II de United Launch Alliance transportant le satellite MPP s'est arraché de son parti à Neuhel 48 GMT, 48 heures de Paris. De la taille d'un véhicule monospace et pesant 2,3 tonnes, le satellite sera mis sous orbite à 824 km d'altitude et orbitera la Terre environ 14 fois par jour. Analysez la couche d'ozone et l'étendue des glaciers. Ce satellite d'un coût de 1,5 milliards de dollars, appelé MPP, servirà à l'amélioration des prévisions météorologiques à court terme et à mieux comprendre le changement climatique sur le long terme.